pitié de moi, ô Dieu, aie pitié. Car mon âme cherche refuge en toi, à l'ombre de tes ailes je me cache, jusqu'à ce que passe l'orage et l'effroi. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit pour moi, il m'enverra le secours. Tout bas. Mon âme est parmi des lions, je demeure parmi des hommes enflammés. Leurs dents sont des lances et des flèches, leur langue est un glaive aiguisé. Ils ont dressé un filet sous mes pas, mon âme se courbait sous le poids. Mais ils sont tombés dans la fosse que même avait creusée pour moi. Jusqu'aux cieux et ta fidélité plus haut.